Incognito, un soir de décembre, il va te raconter quelques mots. Incognito, je sais que t'as des notes dans la tête, je sais que ça résonne. Incognito, au mois de décembre, il va te raconter quelques mots. Quelques mots. Un soir, il a quelques notes. Oh. Décembre dans la ville, le froid nous réveille. Bonnet sur la tête, les rêves sous le soleil. Les rues brillent, même la nuit a des étoiles. On court après le temps, mais ce soir on s'arrête net. Les soucis en pause, famille autour de la table. Même les cœurs les plus durs deviennent vulnérables. Un chocolat chaud, des rires qui résonnent. Noël c'est pas l'or, c'est l'amour qu'on donne. C'est Noël dans l'air, même les galères s'endorment. On lève les mains haut, ouais ce soir on performe. Pas besoin d'être riche pour briller fort. Noël c'est le partage, le reste on s'en sort. Y'a des cadeaux simples, mais des moments rares. Un sourire sincère vaut plus que des dinars. Pensez pour ceux qui doutent, seuls dans le noir. Même une petite lumière peut changer l'histoire. Le monde va trop vite, on oublie l'essentiel. Mais une nuit par an, on regarde le ciel. Si Noël avait un message à livrer, ce serait croire en toi, t'es déjà assez. C'est Noël dans l'air, même les galères s'endorment. On lève les mains haut, ouais ce soir on performe. Pas besoin d'être riche pour briller fort. Noël c'est le partage, le reste on s'en sort. Incognito, il avait raison. Oh, un mois de décembre, il fait beaucoup trop froid. Je remets mon manteau pour essayer de me réchauffer. Mais tard le soir, je repense à ces galères. Et je sais qu'il faut remettre les gants parce que demain ça sera un nouveau jour. C'est Noël dans l'air, même les galères s'endorment. On lève les mains haut, ouais ce soir on performe. Pas besoin d'être riche pour briller fort. Noël c'est le partage, le reste on s'en sort. Oh.